Tu as compris le jeu du miroir. Si la personne t'est toxique, c'est que tu reconnais sa toxicité à partir de ta toxicité. C'est le jeu du miroir. Ça marche toujours comme ça. Si maintenant tu as une personne qui est dans ses afflictions mentales, donc que tu appelles toxique, et que toi tu te situes dans ton équilibre, dans ta bienveillance, dans la compassion, dans l'équanimité, dans l'amour pour autrui, ben, tu ne vas pas voir que ces afflictions, tu vas pas ressentir le toxique de ces afflictions. Tu vas te connecter à sa souffrance directement, avec la compassion, avec le cœur. En fait, tu n'as pas à te protéger des gens toxiques. Ça veut dire que tu es toi aussi toxique quelque part pour eux. Une fois que tu es dans la clarté de cela, tu n'as plus à te protéger. Ce sont les vertus qui te protègent. La personne en face, elle est ce qu'elle est. Alors bien sûr, il y a des énergies négatives, mais le plus l'emporte sur le moins. Voilà. Et plus ton élan du cœur est fort, plus ton amour est fort, et moins le négativisme y rentre en toi, voire il ne rentre pas du tout. Parce que ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'autre, qui en est là où il en est. Et ça demande beaucoup de compassion pour ça. Donc, tant que ça rentre un petit peu, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a de la reconnaissance à partir de ses propres afflictions. Donc, c'est OK. C'est le processus. C'est l'apprentissage. Hein? Jusqu'à ce que tu t'en libères complètement. Et puis, à partir de là, là, il y a l'esprit, il est complètement conditionné par la sagesse, par les vertus, l'amour, etc. Et donc, du coup, ben, l'affliction en face ne pénètre plus dedans, c'est plus possible. Les forces du bien l'emportent toujours sur les forces du mal. Parce que il en est ainsi de la nature des choses. Les cellules sont faites pour se reproduire à partir du moment où elles sont dans un environnement sain. Voilà. Sinon, il y a tout qui meurt. Donc, dans notre environnement à nous, humain, en fait, tout est là pour être, tout est pur, fondamentalement, dans l'absolu, hein, sur le plan de l'absolu. Après, ce que l'humain, il en fait, ben voilà, on en a de beaux exemples tous les jours. Mais, si l'humain se concentrait justement sur la beauté des phénomènes, sur l'interdépendance, sur les vertus, il y aurait aucun conflit, quoi. Il y aurait un manger pour tout le monde, il y aurait un lopin de terre pour tout le monde. Là, on serait solidaire, on serait dans la solidarité, solide, et l'humanité solide. C'est-à-dire solide, forte, forte d'intelligence, forte d'amour, de compassion. Et ben, non, à l'inverse de ça, jugement, ego, affliction, jalousie, tatati, tatatere, j'en passe, c'est des meilleurs. Et la liste est longue. Guerre, divorce, jugement en permanence. Et c'est ce qui fait que les enfants à 4 ans, ils insultent leur grand-mère. Et c'est ce qui fait que, et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà la décadence de notre esprit. Alors que nous avons toute la potentialité pour transcender cela. Il faut rien y faire. Si ce n'est individuellement interagir avec ça et se dire, bah, cette décadence, j'en veux pas. Voilà, je décide de, voilà, d'œuvrer pour. Et puis, je décide d'être en paix intérieurement. Et si je veux être en paix intérieurement, ben, voilà. Donc, je n'ai pas besoin de me protéger des autres quand je suis en paix intérieurement. Parce que de toute façon, j'ai accueilli l'impermanence. Donc, même si je prends un coup de couteau, je le prendrai avec gratitude, à ce coup de couteau. Si maintenant, je suis dans l'attachement, forcément, pourquoi moi, c'est injuste, non, je veux pas. Puis, je vais m'attacher encore plus. Et ça va pas m'empêcher de mourir. Voilà. Comment me libérer des deux ministères de l'ego et d'attachement? Et à partir de là, j'ai plus besoin de me protéger parce que je suis transparent. Donc, il y a tout qui passe là, à travers, dans tous les sens. Ça ne me touche plus, ça ne m'atteint plus. Alors, ça, c'est vraiment pour les êtres qui ont avancé dans le processus. Ils sont en paix. Hein. Quand t'es en paix, t'es en paix. Quoi qu'il se passe, t'es en paix. Tu comprends? Donc, tu n'as pas besoin de te protéger. Si tu as besoin de te protéger, c'est que tu as quelque chose à protéger à l'intérieur. Et ça, c'est les ministères de l'ego et d'attachement.